Erosmose, érotisme, coquinerie, sexualité sur Osmose Radio. Bonjour, bonsoir, chers petits fripons, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. Vous êtes avec Stéphane, vous êtes bien dans l'émission consacrée à l'érotisme et à la sexualité d'Osmose Radio. Vous êtes bien dans Erosmose. On est vendredi, le jour de Vénus. Quel jour le mieux approprié pour se mettre dans une ambiance un petit peu polissonne. Et d'autant plus que ces temps-ci, on vit une période un petit peu compliquée entre la guerre à l'étranger, les élections ici, la crise économique qui se profile, les prix du carburant. L'humeur est assez maussade, c'est pas gai tous les jours. Et par conséquent, eh bien, j'avais envie, puisqu'on a bien besoin de rire en ce moment, et que c'était le 1er avril, vendredi dernier, eh bien, je me suis dit, tiens, c'est le moment ou jamais de faire une playlist musicale. Une fois n'est pas coutume, ce sera une émission plutôt musicale dans Erosmose aujourd'hui, avec une playlist polissonne, une sélection musicale plutôt coquine et rigolote que je vous ai concoctée pour l'occasion. Et c'est vous que je contacte, chers amis. Et pour se mettre dans l'ambiance, quoi de mieux qu'un petit coup de cravache sur les fesses? Eh bien, c'est justement l'objet du morceau avec lequel on va continuer, un titre de Jafferi. Allez, bois ton huile de ricin. C'est gras. Termine ce litre fillette. Oui, mais pas plus, hein. Et brûle-moi le bout des seins. Avec quoi? Au tison de ta cigarette. Ça sent cochon grillé. Pour avaler une araignée. Tu nous en fais bien des histoires. C'est ton heure d'être fouetté. Au chic alors. Apporte-moi vite la badine. Ah, ce que j'aime ça. Après tu pourras m'enfoncer. Quoi mon amour? Toutes ces punaises dans la poitrine. Ça va être formidable. Il te faut manger ta purée. Je n'arrive pas à couper. Bah, qu'est-ce qui se passe? Avec les ciseaux de ton oreille. C'est pas de chance alors. Tant pis, allons nous recoucher. T'as raison. Parmi nos tessons de bouteilles. Oui, perdons pas de temps. Laisse-moi tailler des tondos. Ah, avec un épluche légume. Ah, un peu plus bas. Puis de brume. T'en raffoles, hein? Ah! Oh, c'est bon! Ah! Oh, c'est trop bon, ça! Oh, c'est formidable! Oh, c'est terrible! Ça Sadomaso. Oui, ça avait l'air de lui plaire apparemment à ce garçon-là de Jafeli. C'était un titre des années 60. Quand on pense à la musique française des années 60, on pense Yéyé, bien entendu, Johnny, etc. Nino Ferrer, Antoine et j'en passe. Et pourtant, il y avait des choses un petit peu moins sages aussi à l'époque, mais qui étaient peut-être plus confidentielles en tout cas, dont on aime à retrouver des traces à l'improviste, comme je l'ai pu le faire avec ce titre-là, voilà, de Jafeli, Sadomaso. Histoire de se mettre en jambes, si j'ose dire, pour cette émission d'aujourd'hui. Une émission que je tenais à faire à l'occasion du début avril, hein, qui correspond au fameux poisson d'avril qu'on aime à se faire ou pas, ça dépend de l'humeur. Et ces temps-ci, l'humeur est un petit peu maussade par rapport à la période qu'on traverse, chers amis. Et par conséquent, mes petits fripons, je m'étais dit, c'est l'occasion ou jamais, on a bien tous besoin de rire. Et j'avais sous le coude, dans quelques dossiers, plusieurs morceaux assez rigolos, assez coquins, assez grivois, histoire de se mettre de bonne humeur, que dont, pour une partie, je vous avais déjà diffusé dans L'Heure du Loup, mon autre émission musicale, et que là, je m'étais dit, tiens, ça peut faire double emploi, ça peut aussi passer dans Erosmose, plus quelques morceaux spéciaux que je vous ai ramenés pour l'occasion. Tout ça fera l'objet de l'émission d'aujourd'hui, une émission musicale, une fois n'est pas coutume, dans Erosmose. Voilà. Et je vous disais, oui, les années 60... On pense plutôt à des trucs un peu mainstream avec la musique de Johnny Hallyday, de Claude François, tout ça. Tout ceci étant très bien, c'est pas la question, mais c'était un petit peu sage, parfois même un petit peu gnangnan, hein, je pense à Richard Anthony par exemple. Mais à l'époque, il y avait quand même des artistes qui avaient, malgré la censure dont ils souffraient parfois, il y avait des artistes qui avaient un petit peu la langue bien placée, si j'ose dire, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Et notamment, il y avait Marie-Josée Neuville, qui était un petit peu la guédrée de la fin des années 50. Dans le sillage, était très inspiré par Georges Brassens. Et c'était une chansonnière qui se produisait dans les cabarets à l'époque. Alors vous imaginez la jeune fille, avec des couettes, ce qui lui donnait un air un petit peu gamine, et des textes parfois un petit peu ambigus, comme le morceau qu'on va écouter tout de suite, qui en soi n'a rien de condamnable, hein, mais qui pourtant s'entend avec vos oreilles d'adulte, s'entend, parce que j'imagine que pour écouter Erosmose, vous avez éloigné les enfants, hein, du poste. Mais avec vos oreilles d'adulte, vous allez comprendre ça un petit peu de manière différente tout de suite dans ce titre, par derrière ou par devant. Dans notre école, un vieux professeur, souvent victime de sa bonne humeur, nous enseignait en récréation seulement un jeu qui le passionnait de son temps. À chaque phrase que disaient ses parents, il ajoutait par derrière ou par devant. Le brave homme ne se doutait pas qu'en nous enseignant ce jeu-là, il signait la condamnation de toutes ses prochaines leçons. Le nez de Cléopâtre eût été par derrière, la face du monde en eût été par devant. Henri IV avait panache blanc par derrière, Henri III n'avait pas sentiment par devant. Charlemagne portait barbe fleurie par derrière, cacher ce sein que je ne saurais voir par devant. Démons déchaînés, nous étions tous par derrière, au visage pur d'enfant charmant par devant. S'en est allé le vieux professeur, près du bon Dieu et pourtant nos cœurs. N'oublierons pas le petit avertissement de son jeu qui nous divertissait tant. Par devant, nombre de compliments deviennent par derrière propos désobligeants. Le brave homme ne se doutait pas qu'en nous enseignant ce jeu-là, il nous initiait tout petit à la dure école de la vie. Que de recommandations m'a-t-on fait par derrière, lorsque devait m'être présenté par devant. Des fripouilles, des brigands m'assurait-on par derrière, mais qu'amicalement on appelle vieux frère par devant. Les vieux frères en question m'avaient prévenu par derrière de me méfier de ceux qui me prévenaient par devant. Mieux vaut que la franchise reste par derrière, un brin de mensonge est plus utile par devant. L'amour est l'exception qui nous fait dire par derrière des choses aussi jolies que celles qu'on dit par devant. Des je t'aime, je t'adore pour la vie entière, il y en a autant par derrière que par devant. Car le brave Cupidon de sa flèche légendaire vise tous les cœurs de la terre par derrière ou par devant. Thank you. Prêt, Georges ? Prêt. Et le technicien à la censure ? Ouais. Hier soir à la télé, il y avait un film très osé. Me suis dit, ça tombe bien, je voulais me smile off. La première scène, il y avait un mec et deux belles acolytes. Idéal pour virevolter ma... Pourtant, moi, ça me fait que dalle. J'aime mieux regarder le journal. Ce type de cinéma ne plaît qu'à un anormal. À coup, il y a la scène dans le train avec un monsieur et une passagère qui lui ronge la. Il la remercie et puis lui propose en plus de la lui introduire dans. D'habitude, ça ne me fait rien du tout. C'est un scénario un peu fou. Mais pourquoi ne pas en voir encore un petit bout? Mais maintenant, ça y est, c'est la scène du garagiste avec la pompiste qui lui. Le voilà qui l'a tout en la avec ardeur pendant qu'elle fout le radiateur. Mais ça ne me fait pas grand chose. Tous ces mouvements de chair rose. Bien, je crois que ça continue après la pause. Bit, cul, chat, jouis, poil, fesse, toris. Putain, je crois que t'as pas mis les censures aux bonnes places. Non, c'était pas Brassens qu'on écoutait à l'instant. Chers amis, c'était une parodie de François Pérusse, ce chansonnier humoriste canadien qui est connu notamment pour ses sketchs à la radio et qui faisait une parodie des chansons de Georges Brassens, une parodie et un hommage en même temps à ce grand petit monsieur moustachu de la chanson française qui aura inspiré notamment l'artiste qu'on écoutait auparavant. Il s'agissait de Marie-Josée Neuville qui interprétait par derrière ou par devant une chanson toute mignonne, etc. Mais qu'évidemment, avec vos oreilles perverties d'adultes décadents, vous aurez peut-être compris un petit peu de travers, par derrière ou par devant, c'est vous qui voyez. Voilà, chers amis, alors selon les chansons grivoises, les chansons polissonnes, voire carrément paillardes, ça ne date pas d'hier, hein, ça date sans doute de Mathusalem, mais on n'était pas encore là à ce moment-là, et selon la génération dont vous faites partie, vous penserez plutôt, quand vous pensez à des chansons un petit peu coquines, vous penserez sans doute soit à Boris Vian, soit, si vous étiez gamin dans les années 80, comme c'est mon cas, à Elmer Footbeat, la Manon Negra, tout ça, ou pour les plus jeunes, vous penserez sans doute encore à autre chose. Bref, chaque génération ses références et tout ça ne date pas d'hier, je vous disais, puisque même à l'époque baroque, au XVIe et XVIIe siècle, il y avait une tradition de chansons polissonnes où on disait en termes explicites des choses, des réalités un petit peu crues qui faisaient déjà plaisir à l'époque et qu'on aime toujours à pratiquer aujourd'hui. Par exemple, pour faire utiliser une image et ne pas utiliser de termes explicites pour vos oreilles pures et chastes, quelque chose comme ramonner la cheminée. Ramonnez-moi ma cheminée, ramonnez-moi ma cheminée, ramonnez-la moi, oh Eba, oh Eba, ramonnez-la moi, oh Eba, oh Eba. Une dame, la matinée, ramonnez-moi sa cheminée. Chaleur forcenée. Mon ami, mon ami, prenons nos ébats, prenons nos ébats, prenons nos ébats. Ramenez-moi ma cheminée, ramenez-moi ma cheminée, ramenez-la moi au Eba, au Eba, ramenez-la moi au Eba, au Eba. Confiez-nous vos cheminées. S'il n'est pas ramené, mon ami, mon ami, donnons des sous-là, donnons des sous-là, donnons des sous-là. Ramenez-moi ma cheminée, ramenez-moi ma cheminée, ramenez-la moi au Eba, au Eba, ramenez-la moi au Eba, oh oh Eba. Thank you. Ramonez-moi ma cheminée, sinon ben, le corps s'étiole et l'âme avec. C'était un petit peu l'objet, le thème en tout cas, du titre qu'on écoutait à l'instant. En fait, une musique de la fin du XVIe siècle, à cheval entre la musique médiévale et la musique baroque. C'était un thème qui s'appelait donc une chanson qui s'appelait Ramonez-moi la cheminée, accompagnée, enfin suivie d'un thème musical qui s'appelait Branle du Poitou. Alors je sais ce que vous pensez, branle évidemment, ça vous fait sourire en coin. Il faut savoir qu'à l'époque, un branle, c'était une danse traditionnelle, puisque branler, à la base, ça veut dire agiter. Et quand on branle eh ben, sur la piste de danse, eh bien, c'est tout simplement qu'on gigote, qu'on s'amuse. Voilà. N'allez pas voir le mal partout. Hein, le mal, vous entendez ça comme vous voulez, là aussi. Voilà, chers amis. Déjà à l'époque, on aimait à faire des galipettes. Heureusement, d'ailleurs, sinon on ne serait pas là. C'était aussi le cas beaucoup plus tard, encore qu'on reste dans une période un petit peu vintage. En France, dans les années 1920-1930, à l'époque où des grandes artistes de cabaret et de music-hall, je pense notamment à l'une des plus mémorables d'entre elles, c'était Fréhel, qui avait, comme elle disait dans une de ses chansons, une grosse paire de pectoraux, pour là encore utiliser une image, une litote. Et du coup, ouais, j'avais envie de vous passer un morceau de Fréhel, puisqu'elle avait quand même pas mal de chansons un petit peu olé olé, qui conviennent bien à l'émission d'aujourd'hui. Et je vous ai choisi une d'entre elles, une des premières chansons qu'on ait entendues au cinéma en France. Elle est partie du cinéma parlant au début des années 1930, c'était La Môme Caoutchouc, sauf qu'au cinéma, on l'entendait dans une version un petit peu épurée. Et là, je vous ai ramené la version originale où il est question de faire des galipettes avec une dame très souple, ce qui permet d'utiliser, d'expérimenter en tout cas, bien des positions. J'ai une petite môme extra, elle est en gusse à perca, élastique et vraiment fantastique. Elle se met la tête sous les pieds et les doigts de pied dans le nez. Quand elle est non plus marre, elle fait le grand écart. Elle se met en vrille, elle se fait la chenille. Tout à coup, les jambes à son cou, elle s'enroule, se met en boule et se grignote les genoux. La môme caoutchouc, ce qu'on peut faire avec elle, oh, c'est fou. Elle vous prend et toc toc, ah c'est pas du toc. On n'est plus du loc, alors on est fou de la môme caoutchouc. Ah vraiment, c'est un drôle de petit bout. On la cherche par en dessus et on la retrouve en dessous. La môme caoutchouc. Dans tous les grands restaurants, comme dans les encombrements, elle se faufile, elle me sert de profile. Par contre, dans le métro, elle se gonfle les pectoraux. Je suis toujours certain d'avoir un strapontin. Dans le chapeau, j'ai marre, j'ai du faux, du bord. Au moyen, toujours elle revient. Elle s'allonge, se prolonge, c'est un sort à soudain. La môme caoutchouc, ce qu'on peut faire avec elle, oh, c'est fou. Elle vous reprend et toc, toc, ah, c'est pas toc. On n'est plus du loc, alors on est fou de la môme caoutchouc. Ah vraiment, c'est un drôle de petit bout. Vous la croyez couchée, on s'approche, elle est debout. La môme caoutchouc. Je peux bien vous le dire entre nous, et ben la môme caoutchouc, c'est ma pomme, oui, c'est comme ça qu'on nomme. La guimauve à côté de moi, c'est un vrai morceau de bois. Quant à la femme serpent, mon petit, qu'est-ce que je lui rends? Je te ferai la roue, je me tirerai les joues. Je bondis comme un ouistiti, goguenarde, je te regarde, mais avec mon nombril. La môme caoutchouc, c'est musique, y en a pour tous les goûts. Quand tu prends mes deux rotoplots, mes deux gros lolos, alors ça c'est du boulot. Alors il est fou de la môme caoutchouc. Quand il m'attrape par la peau du cou, ça lui fait les biceps, ça déguise en sein doux. La môme caoutchouc. Thank you. vais avoir le plaisir de vous chanter « Le trou de mon quai », petite chansonnette métropolitaine. Demeure dans une maison tout près de la Seine, où l'on fait depuis 3 semaines des fouilleuses et des travaux pour faire passer le métro. De ma fenêtre, tout en fumant des pipes, je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un trou dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots, je vais vous renseigner. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. L'autre jour, je rencontre un vieil ami de province. Je lui dis, tu tombes bien mon prince, de Paris je vais te montrer toute l'écolosité. Je voudrais d'abord voir la galerie des machines. Je lui réponds, tu t'imagines qu'à Paris il n'y a que celle-là, j'en ai une plus chouette que ça. Accepte à dîner, je t'en prie, après sans trop nous fatiguer. Je te ferai voir une galerie qui certainement va t'épater. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Tu pourras sans te déranger voir le quai de ma rue et le trou de mon quai. Mais hélas, ici-bas, la joie n'est qu'un leurre. Et l'on m'a dit tout à l'heure que les travaux de terrassement vont se terminer prochainement. C'est pas drôle pour moi qu'on avait l'habitude. Et ça va me paraître rude quand le dernier coup de pelle donné, le trou de mon quai sera bouché. Adieu joie des rêves nocturnes, adieu journée d'activité. Comme autrefois seul dans ma turne, je n'aurais plus hélas qu'à chanter. Il y a un quai dans ma rue, mais il n'y a plus de trou dans mon quai. Je n'ai donc pour me consoler que la vue du quai de ma rue, mais j'ai plus de trou de mon quai. Ah, c'est malheureux tout de même. Le comique troupier et son humour bien, bien lourdingue, ça non plus, ça n'existe pas depuis hier. À l'instant, on en avait un exemple de la fin des années 20, il me semble. C'était Dranem avec un titre qui s'appelle « Le trou de mon quai », avec une rime, une contrepétrie que vous avez tout à fait comprise, j'en suis sûr, cher petit fripon. Et juste avant, c'était une artiste qui avait un petit peu plus de talent et un petit peu plus de coffre aussi, c'était Fréhel avec La Môme Caoutchouc, une de ses chansons les plus célèbres, puisqu'elle avait été interprétée aussi par Jean Gabin dans un film des années 1930. Voilà. Mais là, vous aviez la chanson, les paroles en complet, non censurées. Voilà, chers amis. Le trou de mon quai, évidemment, ça fait penser à un autre trou bien connu et qu'on a tous en soi, encore qu'il ne soit pas forcément facilement accessible, encore qu'on certains y soient plus ouverts que d'autres, mais ça ne nous regarde pas. Et donc, le cul, le postérieur, c'est une partie de l'anatomie qui appelle à bien des choses, à des regards indiscrets, à des caresses, voire à des fessées pour ceux qui le désirent. Et bien justement, les fessées, quand c'est consenti, ça peut être assez amusant, ça peut être assez agréable même pour ceux qui les, ou celles qui les subissent entre guillemets évidemment. Et c'est un petit peu ce que nous disent les coquettes dans ce morceau swing qu'on va écoutez tout de suite quand elles attendent leur petite fessée du dimanche soir. Elle patiente dans le noir, elle arrive sans cri d'égard, elle m'attrape par surprise, moi je l'adore, elle est exquise. Elle se glisse sous ma robe, elle y met les formes, elle me met à genoux, moi je l'adore, oui je l'avoue. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Hey! La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Aïe, oh, hey, je fais tout ça pour ça, je te cuisine des anchois, je critique ta mère, saute ça pour mon derrière, je revois petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Moi ça fait. Ben moi ça fait. Ben moi ça fait. Sympa. Tu élèves la voix, tu fais craquer tous tes doigts, tu tapes en plein dans le mille, je coupe les chines, je suis docile. Elle ne m'a pas déçue, les voulu, je les huche. Sa vie toute la semaine pour être sûre qu'elle me revienne. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. La petite fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir, la petite fessée. Du dimanche soir. Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à percer des trous dans du métal. Martin commence par le trou de derrière. Il lubrifie d'abord l'emplacement de pénétration ainsi que la pointe de sa mèche. Il applique sa mèche en douceur et pénètre lentement dans le petit orifice paracou. Martin élargit l'orifice arrière avant de passer à une mèche plus grosse. Le travail avec un tel calibre étant susceptible de faire du bruit, Martin prend soin de fermer la fenêtre. Il protège ainsi son voisinage des émissions de bruit. Martin peut maintenant entrer et sortir sa mèche de plus en plus vite. À l'instant, c'était ce qu'on écoutait. C'était pas de la musique, c'était une fausse publicité, en fait, une campagne de prévention du gouvernement suisse. Là, je vous ai donné la version francophone. Gouvernement suisse, en fait, qui faisait une campagne pour la prévention des risques de transmission des maladies sexuellement transmissibles. Les fameuses IST. Par conséquent, ils utilisaient, là encore, des scènes de la vie de tous les jours. Là, en l'occurrence, on avait, dans ce clip vidéo dont j'ai récupéré le son, on avait un bricoleur du dimanche qui était dans son atelier et qui faisait donc des petits trous dans une plaque en métal, mais avec un vocabulaire et un air entendu, que ce soit dans le commentaire ou dans le visage du gars qui laisse deviner qu'il s'agit en fait d'autre chose, vous aurez compris. Et voilà, donc j'avais envie de vous ramener ça parce que c'était assez drôle. Et si le cœur vous en dit, d'ailleurs, je vous mettrai d'autres clips sur le Facebook d'Erosmos pour que vous puissiez en voir un petit peu plus et rigoler encore un peu plus. facebook.com/erosmos avec un Z comme Zizi. Et juste avant cet intermède, eh bien, c'était un titre d'un trio qui est assez rigolo, des chanteuses de cabaret swing qui s'appellent Les Coquettes et qui avaient composé ce titre, La fessée du dimanche soir, la petite fessée du dimanche soir. Là, en même temps, je vous passe ce titre une veille de week-end électoral et je me dis que dimanche soir, il y en a d'autres qui vont se prendre sinon une fessée, du moins même peut-être un coup de pied au cul, allez savoir. Enfin bref, nous verrons dans 48 heures, chers amis. Je vous disais, un atelier où on peut faire des cochoncetés, comme c'était le cas de notre bricoleur du dimanche à l'instant. C'est vrai que parfois, on aime aller faire des galipettes ou des gousi-gousi dans des endroits insolites. Donc pour aucuns, ce sera un atelier. Pour d'autres, ce sera un bosquet dans les bois ou dans un parc. Pour d'autres, ce sera dans la rue, pour les plus osés. Et après, juste la cellule de dégrisement au poste de police juste après, je suppose. Et pour d'autres, eh bien, ce sera les WC, ce qui n'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs. Puisque les cabinets sont parfois un lieu d'où on peut entrer, mais d'où on ne peut s'extirper. Et c'était un petit peu le cas que nous racontait Hubert Félix Stéphane dans la chanson qu'on va écouter tout de suite. Je ne peux plus m'enfuir, les WC sont bouchés. J'aurais encore aimé franchir ta nébuleuse, mais ton corps est cousu de fil.

à l'instant une parodie d'Usul, une parodie de Renaud en fait, qui l'imite assez bien d'ailleurs, avec ce titre Dessinatrice, hein, dans lequel deux amateurs de manga ou de comics américains, de BD en règle générale, s'écharpent sur le bon goût et que du coup ça complique un petit peu la rencontre, mais on est comme ça. Oh, nous autres frères humains, c'est que ben, on s'engueule pour des conneries. Les élections aussi, un bon exemple. Et juste avant ça, ben, c'était un titre d'Hubert Félix-Tiefen, Enfermé dans les WC, voilà, qu'on écoutait à l'instant. Hubert Félix-Tiefen qui nous décrivait un petit peu les endroits insolites où on aime à s'enfermer pour faire des cochoncetés et pas seulement produire des cochoncetés. Et puis des fois, ben, c'est pas une bonne idée, surtout quand la famille de ta dulcinée t'a coincé dedans. Voilà, mais bon, les garçons, les filles, ils s'embêtent les uns les autres, ils s'ennuient, ils se houspillent, ils se harcèlent parfois, et c'est un petit peu l'objet du titre avec lequel on va continuer, un titre de Foro des bombes de balles, un titre qui s'appelle tout simplement Tu m'embêtes. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, tu m'embêtes, bête, va prendre la tête à d'autres avec tous tes plans foireux. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, tu m'embêtes, bête, va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. Cela faisait bien 10 jours que j'avais pas vu Arnaud parler de mes plus beaux atours. Je lui propose un plan trop chaud, il me dit non, un autre jour ce soir y'a l'OM Monaco. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, tu m'embêtes, bête, va prendre la tête à d'autres avec tous tes plans foireux. Y'a pas longtemps je sortais avec un illuminé qui peignait partout chez moi de la poubelle au WC. Et un matin je me réveille peinte en or et orangé. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, tu m'embêtes, bête, va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. Mon nouveau petit chéri est accro du téléphone, il en a des tas partout qui sonnent, sonnent et ressonnent. Je ne peux plus le supporter, il est marié à Ericsson. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, tu m'embêtes, bête, va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. On mangeait au restaurant, il m'a sorti la grange. On a bu un petit blanc en se débrouillant des yeux. Il m'a dit j'ai pas d'argent, j'ai dû sortir ma carte bleue. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, tu m'embêtes, bête, va prendre la tête à d'autres avec tous tes plans foireux. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, tu m'embêtes, bête, va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. Me repêcher là, j'ai failli me noyer. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, tu m'embêtes, bête, va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. Je me suis inscrite au tennis parce que j'aime Roland-Garros. Ça va me faire de belles cuisses pour mes vacances à Biscarros. Le prof m'a dit tu joues trop mal, va plutôt ramasser les balles. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, tu m'embêtes, bête, va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. Avec les bombes de balles, on était tout invités pour un très gros festival au beau milieu de l'été. On nous a dit c'est annulé parce que personne ne vous connaît. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, tu m'embêtes, bête, va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. En voilà un qui me branche pour faire le tour du monde entier. Chez les Manchous, les Amaras, chez quelque part au Paraguay. Finalement tous les dimanches on fait le tour du quartier. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, tu m'embêtes, bête, va prendre la tête à d'autres avec tous tes plans foireux. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, tu m'embêtes, bête, va prendre la tête à d'autres et moi lâche-moi un peu. Ça fait longtemps que je te regarde. T'es bien habillée là, c'est quoi? Une robe? Ah, ouais, pas mal, ouais. Tu sais, je te regarde et tu es comme ces violons qui font chanter le parfum des fleurs et emportent au loin les roses. Ouais, c'est de moi, ouais. Ouais, j'écris des trucs, hein. Oh, bah, je pourrais faire des livres, hein. Ouais, hein, ouais, je pourrais ne pas en faire aussi, ouais. Tu sais, il faudrait que je te dise un truc vachement important, mais là, c'est le refrain, alors, bah, tu vois, je te le dirai après, ok? Dans les chansons, ça me met toujours en valeur sur la piste, c'est physique. Oh, je suis très physique de toute façon comme mec. Hein. Ah bon, on dirait pas? Je suis un télo, c'est ça? Non plus? Ah bah je fais rien alors. Ah c'est ça, d'accord. Et tu me trouves comment à part ça? Ah, excuse-moi, tu peux parler plus fort, j'entends rien avec toutes ces lumières. Hein? Grand? Ouais, grand, ouais, c'est sûr. Enfin, ouais, c'est vrai que je fais quand même 1m52 là. Ah non, gland, arrêt. T'as la souris, un mot qui est dans ta main. On se met en la paix et après on revient. Ma jambe sur la tête et la droite au-dessus. On fixe et on tourne jusqu'à ce qu'on en puisse plus. Ah oh, putain, ça crève. On prend un verre? À moins que tu préfères le bleu de mes yeux. Tu aimes l'humour? Moi j'adore. Je suis très très très drôle, hein. Tu sais, tu vas te marrer avec moi. Hey, tu connais l'histoire de Toto qui est constipé? Ah ouais? Et celle où il attrape la myxomatose? Ah ouais, tu la connais aussi? Ah, c'est dommage parce que moi je connais que ces deux-là. Oh, j'ai envie de tout plaquer pour toi. Mon boulot, mes collègues, mon aquarium. On partirait tous les deux sur une île déserte. Fort Boyard, Oléron, tu choisis. Allez, on part tout de suite, je t'emmène. Hein? Moi je pars d'abord et après tu me rejoins? Ok, ok, ça roule. Bon bah je t'attends dans ma voiture. Alors c'est la Visa Club, la kaki là. Après on se retourne, la tête en arrière. Et on renie le loin, son bras gauche. Le bout de ta lancure, la clavicule en pied. Tu danses? On a tous des gros lourds comme ça qui sont venus nous aborder en soirée ou en club ou je ne sais où. Et parfois ils sont drôles, ils ne le font pas exprès. Parfois ils sont drôles, ils y arrivent et peut-être même ils arrivent à nous faire danser. Et puis des fois, c'est tout simplement chiant. Voilà, disons le terme. Hein. Des gens comme ça, malheureusement, il y en a plein. Et du coup, bah, c'était un petit peu le thème du titre qu'on écoutait, un titre des Fatal Picard qu'on écoutait à l'instant. Avec Tu danses, c'était un extrait d'un de leurs premiers albums. Et juste avant ça, c'était un autre titre, par exemple, pardon, c'était Les Bombes de Bâle avec le titre Tu m'embêtes. Là aussi, c'était de la musique à danser, mais acoustique, celle-ci. Voilà, donc un groupe picard, un groupe toulousain. On va un petit peu partout en France, chers amis. Il y en a qui vont et qui viennent entre le Rhin, comme dans la fameuse chanson. Nous, on va un petit peu partout dans le temps et dans l'espace, vers l'infini et au-delà, comme disait l'autre. Voilà, chers amis, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien avec Stéphane, vous êtes bien dans Erosmose, une émission musicale ce soir, exceptionnellement, puisque j'avais envie de faire une playlist au Poisson d'Avril, une émission en fait, avec des chansons un petit peu coquines et rigolotes, des chansons polissonnes, voire des chansons paillardes, histoire de nous changer les idées pour les temps compliqués qu'on traverse en ce moment. On a bien besoin de rigoler et c'est l'objet de la playlist de ce soir. Voilà. Parfois, bah, quand on va en soirée, quand on doit supporter des gens comme les titres, les pitres qui nous invitent à danser, bah, des fois on rentre un petit peu bredouille. C'est un petit peu la règle du jeu, vous me direz. Et on dort sur la béquille, comme le veut l'expression consacrée. Et c'est le thème justement du titre avec lequel on va continuer, les Robertes, avec le titre « Est-ce que tu slips ?» Est-ce que tu slips ? Quand tu dors, laisse-tu ton oiseau dehors ? Est-ce que tu slips ? Quand tu dors ? We'll be right back. mon amour. Adolphe, t'en prie, mon Dieu, je t'en prie, Adolphe. Mon air pour moi. Ah oui, mon Dieu. Prends ma chatte, faut que je t'en prie. Faut que je t'en prie, c'est qui c'est le mutine, tu sais. Adolphe, ah oui, ah je t'en bon. Adolphe, de moi tes liqueurs. Ah oui, ah oui, glisse ta petite quéquette dans ma chatte. Ah oui, ah oui, ma chatte. Adolphe. Adolphe, c'est bon. Adolphe, je t'en prie. Je jouis. Je t'en prie, Adolphe. Oui, je jouis. Remets-toi à quatre pattes, Adolphe, je t'en prie. C'est bon. Oui, oui. Adolphe pour la vie. Ah, on peut être fasciste et avoir besoin d'éjaculer aussi, hein, que voulez-vous. À l'instant, c'était dans la parenthèse punk d'Erosmos, à l'instant, c'était un titre de Gogol premier dans les années 80 ou début des années 90, je ne sais plus, c'était Adolphe, mon amour, hein, petite dédicace aux électeurs, certains électeurs qui ont des envies de débouffer de tendresse, eux aussi, et qui vont aller voter dimanche. Et c'était enchaîné juste avant ça avec un groupe punk d'Apt qui jouait il y a une petite dizaine d'années, c'était les Roberts, un groupe qui s'était appelé comme ça parce que les chanteuses avaient des petits Robert et du coup elles étaient deux à mener ce groupe et du coup elles avaient appelé le groupe les Robert et j'avais trouvé l'anecdote assez croquignolesque et elles interprétaient ce titre qui n'était pas moins est-ce que tu sleep, hein, to sleep en anglais ça veut dire dormir et parfois ben, on dort en slip et sur la béquille comme elle le disait avec beaucoup d'ironie puisqu'elle-même n'était pas concernée eh bien, elle le disait dans ce titre-là voilà ben justement là je parlais de politique à l'instant hein, à l'époque où Gogol premier chantait cette chanson le fascisme, c'était l'ennemi. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu le quotidien. On s'en réjouit, on le déplore, mais en attendant, c'est comme ça. Et on y est venu par étapes, en fait. Et notamment, ben, une des étapes, c'était il y a une quinzaine d'années, quand il y avait la présidence Sarkozy, et qu'on avait certains ministres un petit peu... comment dirais-je, un petit peu controversé, pour rester poli, dans son gouvernement, notamment Rachida Dati, qui était ministre de la Justice, pardon, dans ce gouvernement-là, il y a une quinzaine d'années, et à l'époque, Sexy Sushi, il avait un petit peu chambré dans un titre qu'on va écouter tout de suite, Rachida. Position. À l'instant, on revenait dans les années 90 avec la troupe des Nous C'est Nous qui parodiait en fait les boys bands de l'époque qui faisaient frémir toute la gente féminine, notamment adolescente. Les Nous C'est Nous dont faisait partie à l'époque notamment Jean Dujardin, voilà chers amis. Et juste avant ça, c'était un autre délire électro, mais une dizaine d'années plus tard, celui-là, c'était Sexy Sushi avec le titre Rachida, hein, puisque la ministre faisait l'objet de pas mal de polémiques à l'époque, pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs. d'ailleurs, parce que les femmes de pouvoir font toujours jaser hein, et hurler les mecs, notamment par pure misogynie parfois et pour des arguments valables à l'occasion. Bah, notamment, Sexy Sushi s'était amusé à se moquer d'elle dans ce titre-là. Et puis un autre truc qui faisait hurler, mais les filles, ce coup-ci, ben, c'était les artistes masculins un peu minés, un peu mignons, etc. Notamment le cas des boys band qu'avait fait Flores dans les années 90, c'était l'objet de la parodie par ce groupe imaginaire carré blanc que chantait la troupe des Nous C'est Nous à l'instant. Voilà. On va continuer dans cette parenthèse électro d'Erosmos dans la playlist de ce soir. On va continuer, disais-je, avec des standards de virilité qui ont un petit peu évolué, parce que s'il y a un truc qui fait jaser là aussi, hein, c'est les standards de virilité, que ce soit les poilus, les tatoués de l'ancien temps, ou que ce soit des garçons un petit peu efféminés, comme il arrive qu'ils le soient aussi, et pourquoi pas d'ailleurs. Mais des fois, ça part dans des délires qui peuvent surprendre pour le moins, sans jugement de valeur aucun, et c'est notamment le cas dans certaines productions plus récentes que ce qu'on écoutait à l'instant, et je pense notamment à un garçon qui s'appelle Théo Lavabo, qui a fait parler un petit peu de lui à l'occasion de Télécrochet notamment. Vous imaginez un petit garçon tout fin, enfin un jeune homme tout fin, avec les traits là aussi assez fins, le poil soyeux, etc. Et qui est dans des combinaisons flashy et fluo, et qui a une voix de falsetto, et qui, dans le titre qu'on va écouter tout de suite, comme son physique ne l'indique pas, est assez intéressé par la charcuterie. Tout de suite, on écoute Théo Lavabo avec Chipolata. J'en ai bavé, je suis coincé, on m'a emballé toute la soirée. Petit bibelot, dans grande boîte, je suis ton cadeau, ta belle arnaque, ton beau cadeau, yodelé, yodelé, ton mécado, yodelé, yodelé, ton chamallow, yodelé, yodelé, je suis ton thé, oh là. Je suis ton grand chipolata. Je suis popolatata. Je suis popolatéo. Je suis ton grand chipolata. Je suis popolatata. Je suis popolatéo. Je suis ton grand chipolata. Tatatata. Chipolatéo. Je suis ton grand chipolata. Je suis popolatata. Je suis popolatéo. Graisse et saucisse. Plastique, c'est ma magique, si tu mastiques, moi tu capotes, mi papillote, chelou mais pas chuchote. Je suis ton chien saucisse à quatre pattes. Je suis ton teckel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Yorlé, yorlé, yorlé, yorlé. Ta bouche glisser, glisser, wow. comme ça. Bois-moi, bois-moi. Ouvre ta bouche et laisse couler jusqu'en bas. J'aime sentir ta bouche glisser, glisser. Oh, j'aime sentir ta bouche quand je suis prêt à tout te donner. J'aime sentir ta bouche glisser, glisser. Oh, j'aime sentir ta bouche quand je suis prêt à tout te donner. Fucking swallow, swallow, swallow, swallow, swallow. The motherfucking dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, fucking dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, fuck, fuck. J'aime sentir ta bouche quand je suis prêt à tout te donner. J'aime sentir ta bouche glisser, glisser. Ta bouche quand je suis prêt à tout te donner. J'aime sentir ta bouche glisser, glisser. Oh, j'aime sentir ta bouche quand je suis prêt à tout te donner. J'aime sentir ta bouche glisser, glisser. Oh, j'aime sentir ta you can have Eminem. Fuck you guys, I'm leaving. No, can we? Oh, damn. Nice going, Shaggy. À l'instant, un petit intermède humoristique, encore que ce soit un humour assez olé olé, voire carrément vulgaire, mais on s'en fout, c'est dans The Marshall Mathers LP, un titre, un album d'Eminem. À l'instant, voilà une petite pause. Après cet intermède crypto-gay de l'émission Erosmos d'aujourd'hui, hein, avec tout d'abord Théo Lavabo avec le titre Chipolata. Moi, ça me fait délirer, d'autant plus que je ressens chez ce garçon un côté qui se prend pas au sérieux et qui est assez second degré, ce qui est pas forcément le cas de l'artiste qui suivait. Pierre Pasquale, qui il y a une petite dizaine d'années sortait ce titre, J'aime sentir ta bouche glisser, mais lui par contre j'ai vraiment l'impression qu'il est totalement au premier degré quoi, et par conséquent qu'il est drôle mais sans forcément le faire exprès. Pour vous décrire un peu Pierre Pasquale, d'ailleurs Pasquale c'est bientôt Pâques, hein, et ce garçon est bien doté en œuf aussi malgré les airs efféminés qu'il se donne, et pour vous décrire un peu le personnage, eh ben, il a sorti cette chanson à peu près au moment où Conchita Wurst, vous savez cette femme à barbe, gagnait l'Eurovision, voilà, et donc on est vraiment dans ce délire queer, etc. Mais qui pourrait être bon enfant et pas se prendre au sérieux, mais selon les interprètes, ben, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est notamment, je pense, le cas de ce Pierre Pasquale qui m'a tout de même beaucoup, beaucoup fait rire avec ce titre. Grivois, j'aime sentir ta bouche glisser. Voilà. chers amis. Et on va continuer dans cette séquence électro avec un titre qui pue bien la testostérone, un titre d'électro EBM, hein, et EBM pour Electronic Body Music, une reprise en fait d'un titre des années 90 qui s'appelait Motel Lover, et c'est un projet musical français qui s'appelait, non, allemand, pardon, qui s'appelait Mindshaft, et qui a traduit en français les paroles. Il avait fait des remixes électro pour pas mal de titres, notamment un titre de Gesh Paty des années 80 qui s'appelait Étienne, les plus anciens d'entre vous s'en souviennent. Et il a fait aussi, pour ce morceau plus méconnu, il a fait aussi une reprise électro que je vous propose d'écouter tout de suite, L'amour à l'hôtel. Cuir.

mais passons, et qui, en l'occurrence, l'avait payé un peu cher puisqu'il leur était arrivé l'accident qui vient de vous être raconté. Voilà, et du coup, ce qui est plutôt ironique d'ailleurs, puisque Salt Lake City aux États-Unis, c'est la ville des Mormons, la capitale des Mormons. Tous ces braves gens, cette secte qui est assez à cheval et très pudibonde sur les choses du désir sexuel. Hein. Donc, les gens en question ne faisaient pas forcément partie de cette église, mais allez donc savoir. Toujours est-il que voilà, ça fait bien rigoler. C'était pour conclure. Cette intermède électro est plein de testostérone et vaguement crypto-gay qu'on avait dans Erosmosa un instant, avec ces deux titres enchaînés. Tout d'abord, Mineshaft, avec le titre L'amour à l'hôtel. Donc là, c'était vraiment du son électro bien gras et les paroles étaient à l'avenant. Et juste après, un remix d'un titre qui s'appelait Discord, en fait, était un remix qui parodiait un petit peu le virilisme exacerbé de certaines tendances masochistes ou homosexuelles, ou les deux, parfois, notamment avec ce titre Cuir Moustache, voilà, qui référence qui avait bien fait rire tout le monde. Voilà, tout à l'heure, je parlais de Pierre Pasquale qui avait un côté queer, hein, c'était à la fois poilu et éminé en même temps. Et là, c'était un autre cuir, hein, celui qu'on porte sur les épaules avec son perfecto. Voilà, donc dans notamment les clichés des homos à l'ancienne, des homos des années 80. Voilà, chers amis, on arrive à la fin de l'émission. On va aller vers des choses un petit peu plus calmes et puis on va laisser les hamsters tranquilles, hein, ici, parce qu'on est entre gens bien élevés. Les gens bien élevés, justement, c'est un petit peu ce à quoi nous invite France Gall. Il m'a laissé tomber à l'eau, c'est un beau petit. D'autant plus qu'il est naturellement parti avec ma meilleure amie. Il l'appelle son petit lutin, mais c'est une jolie. Qui a déjà vu passer sur son chemin la diligence, l'autobus et le train. Oui, mais, on ne s'est pas fâché. Lui faire la vie dure car c'est une belle. Ce n'est pas pour elle qu'il a de l'appétit, c'est pour ses économies. Mais après tout, si elle est cop, c'est bien fait pour cette qui avait déjà l'âge de la retraite quand je roulais encore en patinette. Oui, mais on s'invite à dîner. On est entre gens bien élevés. Je l'ai rencontrée dans la rue, elle m'a traité de. On voit clairement pas ses bonnes façons qu'elle a vendu du poisson. J'ai profité qu'on était seuls, je lui ai cassé. Car je ne connais pas de meilleur après que le beurre noir pour une gueule de raie. Mais je dois l'avouer, je l'ai regretté. Depuis ce jour-là, plus jamais ils n'ont téléphoné. Mais quelle idée de rester fâché entre gens bien nés. Savent pas ce qu'ils perdent, après tout je l'ai. Sais-tu que le goût de mes lèvres n'est pas aussi sucré que tu le crois? Y'a comme une petite odeur de fièvre qui s'échappe de cet endroit. Un relent de désir extrême, une dilatation du mercure qui fait que mon envie suprême est que tu me prennes la température. Sans toi mon décolleté s'ennuie de tes regards concupiscents, de cette petite lueur d'envie dans tes iris incandescents. Mon amour n'attend pas demain pour venir tester tes réflexes et laisser promener ta main sous mon cœur croisé de plétex. C'est bien bon, la poésie, les petites fleurs, les étoiles, tout ça. Mais tu vois, ce soir j'ai envie que tu m'arraches mon pyjama. Car le fait de se faire la cour n'est réellement qu'un prétexte pour pouvoir enfin se faire l'amour. Allez copain, on fait le sexe. Mais si dès que je me rapproche, à pas feutrer, toi tu t'éloignes. Doucement, les mains dans les poches, comment faire pour que je te rejoigne? Et dans cette longue soirée d'hiver, si tu avances quand je recule, Comment veux-tu que mes ovaires rencontrent un jour tes testicules? C'est bien beau, la poésie, les petites fleurs, les étoiles, tout ça. Mais tu vois, ce soir, j'ai envie que tu m'arraches mon pyjama. Car le fait de se faire la cour n'est réellement qu'un prétexte pour pouvoir enfin se faire l'amour. Allez, copains, on fait le sexe. Et sans complexe. Dans du latex. On se fait un Tex-Mex ? Maman, je peux te parler ? Voilà, qu'est-ce qui t'arrive, ma fille ? J'ai pris une décision qui va te faire tousser. Je vais divorcer d'avec Jean-Hubert. Qu'est-ce que quoi ? Divorcer d'avec Jean-Hubert ? Tu dis Jean que ma fille, mais qu'est-ce que tu me fais ? Jean-Hubert est un être exquis, il est jeune, il est beau, il est intelligent, il est riche à crever, ce qui gâte rien. Et toi, pour je ne sais quelle lubie, toi tu voudrais quitter quelqu'un qui roule en Ferrari, qui flotte en yacht, qui vole en jet, et qui s'habille en Renova. Crois-moi, c'est du gâchis, mais qu'est-ce qu'il te faut ? Aïe, tu m'auras tout fait. Tu ne sais pas tout, maman, je vais te dire mon terrible secret. Jean-Hubert est sodomite. Sodomite ? Oui, maman, sodomite. Ça fait 5 ans qu'on est mariés, ça fait 5 ans qu'il m'encule comme un furieux tous les soirs. C'est bien simple. Avant mon mariage, j'avais la rondelle comme une pièce de 50 centimes. Et maintenant, elle est comme une pièce de 5 francs. 5 francs. J'en peux plus, maman, tu comprends? Oh oui, je comprends. Je comprends surtout que Jean-Hubert, il t'a tout donné. Et que toi, tu fais des histoires pour 4 francs 50. Des histoires pour 4 francs 50. Voilà, on est passé à l'euro aujourd'hui, donc je ne sais pas si cette blague de l'écho des savanes est encore d'actualité. Toujours est-il qu'à l'instant, c'était une des sales blagues de l'écho qui avait été animée par Villemain notamment. Voilà, chers amis, juste avant ça, on écoutait 2 titres un petit peu plus sages pour aller vers la fin de l'émission, enfin plus sages façon de parler. En tout cas, des voix féminines, c'était tout d'abord France Gall avec un de ses titres méconnus des années 60, Les gens bien élevés, où elle explorait un petit peu le champ lexical des rimes impromptues. Et que vous aurez complété vous-même, j'en suis sûr. Et juste après ça, parce que c'était une inconnue qui avait pour pseudo Cacon29. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque, où, dans les années 2000, à l'époque où elle enregistrait cette chanson, Cacon29, en fait, aujourd'hui on pense au cas contact évidemment, mais à l'époque ça n'était pas d'actualité. Et elle avait fait cette chanson, C'est bien beau la poésie, que je trouve assez opportun de vous passer un petit peu après le printemps des poètes d'ailleurs. C'est bien beau la poésie, dans des conditions un petit peu spartiates, donc je m'excuse pour la mauvaise qualité de l'enregistrement qu'on vient d'écouter, mais le texte était tellement savoureux que j'avais vraiment envie de vous la passer un jour ou l'autre. Voilà, donc quelque chose d'assez incongru que je tenais à vous ramener dans Erosmose. Voilà, chers amis, chers petits fripons, j'espère que vous aurez apprécié cette sélection musicale du jour, une sélection musicale entre guillemets poisson d'avril, avec une semaine de retard, mais on s'en fout. Histoire de nous dérider un petit peu, nous changer les idées dans la période compliquée qu'on traverse en ce moment. Voilà. On va se quitter avec un morceau, là encore, qui restera dans le thème de tout ce qu'on a vu ensemble. Et puisque l'humour grivois, les blagues salaces aiment à explorer le champ lexical pour utiliser des images, des litotes, des euphémismes, pour parler un petit peu de la chose, mais sans forcément utiliser de termes trop explicites, eh bien, quelqu'un qui a fait ça très bien, c'était Colette Renard, qui à la fin des années 50 avait interprété un titre qui s'appelle Les nuits d'une demoiselle. Des nuits que je vous souhaite aussi savoureuses à vous, chers amis, en ce week-end, et puis tous les autres aussi, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Les nuits d'une demoiselle, des nuits où on explore différents plaisirs qui permettent d'user de ses charmes et d'en profiter aussi avec un partenaire attentionné, bien entendu. Voilà, donc on écoute ce titre de Colette Renard pour se quitter, mes petits fripons, et puis on se retrouve à l'occasion d'une prochaine émission. Voilà, bisous, bon week-end, salut. La nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, surprise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.